Allô? J'ai fait le saut. J'étais pas prête. Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. La seule! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis moi je te dis, quand je meurs, quand j'arrive en enfer, la première journée des poubelles, ils me crissent dans le container avec. Ils voudront même pas de moi. Non! Non, ils vont te refuser en enfer. T'as-tu une date? Ça approche-tu ça, la mort, là? Ben... Qu'on en finisse. Moi, pour vrai, que je mette ça au calendrier, c'est parce qu'il y a du monde qui veut te remplacer. Pour moi, je me sens dans ma vie tu sais, à comme une ou deux minutes avant la cloche de récré pour terminer la journée à l'école. Mais c'est tout le temps de même, oui. En fait. Oui. La cloche, elle vient jamais. Le moment, il vient jamais. Thomas Leblanc, tiens-toi prête. Toujours dans l'ordre du rose, moi, c'est Jess PVM. Bipolaire, sobre. J'ai quoi d'autre? Non-binaire. Oui. Faut toujours faire la liste, c'est important, on est de gauche, faut lister tous nos traumas et nos impressions à chaque épisode. Ouais. Si vous voulez savoir comment je date pas, là, j'ai rouvert Grindr hier, puis je savais pas trop comment ça faisait de temps que j'avais daté, genre, puis j'étais comme, comment je fais pour savoir sur Grindr, fait que finalement, j'étais allé voir mon profil, puis j'avais 31 ans sur mon profil, j'ai 34 ans en ce moment. La pandémie a été longue, hein? Fait que aux gens qui m'ont envoyé un message en 2017, bonjour, hey, hey, you host. Non, il va au spire avec la crise du logement, ils sont tous dans la rue, là, oublie ça. Tabarnak. Fait que ça, c'est sage parole, pleine de positivité. On est pas tout seul, on a du monde! On est avec Camille Larrivé, street artist, commissaire indépendante, travailleuse culturelle basée à Jojage, Mouniang, Montréal. Camille est aussi directrice de la programmation pour le collectif des commissaires autochtones. Allô, Camille. Allô. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Ça va vraiment mal. Et surtout, tu l'as dit avant que ça allait mal aussi. On était tous d'accord que le monde, c'est de la merde. Là. Mais faut que tu dises que ça va bien, mais... Ça va jamais bien. Fait que là, incroyable, des gauchistes autour de la table qui étaient d'accord, puis finalement, 5 minutes après, ça marche plus. Impossible. Hey, là, on n'est pas tout seul, mais genre pas tout seul au carré. On a une autre personne qui est avec nous autres. On est aussi avec Léolie Eshraghi, artiste née en pays Yui, actif au Samoa. Moi, je mets des X pour les gens. Parce que là, tout le monde, on est tous le genre neutre, OK? X, partout les X. Ça sonne mal, le monde a ça, j'adore ça. Il y a rien que moi et Papa Pivot qui voilà. Sont masculins. Qui avait un genre, nous autres, alors, on n'a pas. Alors que Papa Pivot est fully une femme à la gang, je sais qu'on a l'air de parler Papa Pivot au masculin comme si c'était un homme, mais parfois, parfois, comme dans ma vie à moi, Papa est une femme. Voilà, c'est ça. Who's your daddy? Alors, on est avec Léolie Eshraghi, artiste né en pays Yui, Actix, hein, au Samoa, en Australie et au Canada, d'ascendance samoane, persane et cantonaise, qui travaille à la lisière de diverses formes de formation. Il y a les chercheux, commissaire au musée d'art de l'Université de Queensland et commissaire de la Tarawara Biennale 2023, Léoli. Allô? Allô, ça va mal. Merci. Oh, right off the bat! Yes! T'as étudié avant l'examen, toi? Ben, surtout, j'aime pas ce temps pour rire. Là, en ce moment, il pleut des cordes. Peut-être que quand vous nous écoutez, il fait beau soleil. Oui, ben... Mais comme fully, je suis arrivé, j'ai donné mes bas à Papa Pivot pour les mettre dans sécheuse dans le sous-sol à la halte. Oui. Fait que c'est le papa pivot en bondade, t'as comme, est-ce que c'est pas toi qui paye le bill d'électricité, y'a que des bas dans ta sécheuse? Ouais. Baisse-moi ça, ce thermostat-là, on n'est pas encore en janvier. Mais y'a rien comme l'amour d'un père, puis vous savez que moi j'ai pas eu ça dans ma vie, non. Fait que I was lit. Moi j'ai juste eu l'amour d'un père, j'ai pas eu l'amour d'un père. Enfin, non mais regarde, moi ça me prenait une approbation d'une figure masculine, là j'étais bien content. Puis mes bas vont être secs dans un petit moment. De quoi aujourd'hui? On parle? De quoi on parle? Aujourd'hui, de lavage, de cessage, de repassage. On parle... Tous les secrets pour plier votre drap contour. Surtout, mais genre, tu sais, comme absolument en podcast. Genre, on fait juste écrire. Aujourd'hui, on parle d'art visuel autochtone et ce, sur un podcast, encore une fois, sans support visuel, fait que ça va être le fun. Alors, on... Hostie. Alors, clairement, on va faire un catch-up 101. Qu'est-ce que c'est l'art visuel? L'art visuel autochtone versus l'art visuel colon. Et est-ce que le queer s'applique dans tout ça? Parce que le queer, ça peut être une mentalité coloniale aussi. Ouh. On parle de transmission des savoirs intergénérationnels relationnels à travers la pratique de l'éolie. Puis on parle d'amour radical, de la biodiversité dans les espaces publics et urbains. Biodiversité dans les espaces publics urbains. That's moi, je mets des « et » partout. Bugger. À travers la pratique, bien sûr, de Camille. Fait que moi, là-dessus, je vais aller nu-pied, comme dans le temps que j'allais au cégep de Saint-Lô, me chercher un café. Parce que mes bas sont dans sécheuse! Est-ce que tu aimait ça à la Saint-Lô, faire semblant d'être pauvre? Ah! Mais surtout, en tout cas, moi je le faisais même pas pour vrai, là, me promener nu-pied à Saint-Lô, mais genre pour tous ceux et celles qui ont eu des verrues plantaires à cause de ce site cégep-là, c'est votre faute, vous avez rien qu'à mettre des bocalis. Si c'était rien que des verrues, ça a moins pire des affaires qu'ils ont eu. Si on avait la gale. J'ai tellement eu la gale souvent. Oh my god, si on était lésions, c'était l'enfer. Nous étions lésions. Bon, parfait. En tout cas, m'en va à mon café. Fait qu'on s'est rendu au café du cégep de Saint-Laurent nu-pied. On a fait le pèlerinage pour se rappeler des bons moments. Et il n'y a rien qui a changé. Ils coupent encore le lait au chocolat à moitié avec du lait normal. Ouais. Les hosties cheap. Moi, j'ai travaillé à l'eau café puis c'était au tiers quand même. On se gardait une gêne. C'est pas vrai. Ça avait fait scandale. Ben oui, j'espère que ça avait fait scandale. Moi, ce que j'aimais le plus, c'est quand le café faisait du profit. Puis là, on était tellement de gauche que c'était scandaleux parce que le café. Imagine. Alors que la librairie Fully faisait tellement d'argent parce qu'ils vendaient des livres. C'est pour ça qu'on fait du podcast. On choisit à qui qu'on parle, de quoi qu'on parle, quand on en parle. Oui, en tout cas, ça pour dire. Pas pour revenir à des affaires qui pourraient être plus intéressantes, mais genre, on est avec des artistes vraiment cool qui pourraient élaborer sur quelles sont leurs disciplines artistiques, leurs thèmes préférés dans leur pratique. Nous donner le vibe. On l'a nommé un peu. Camille, tu voulais-tu commencer? OK. Ben merci premièrement pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup votre podcast. Oh, merci! Yeah. Moi, je l'aime pas tant que ça. Vraiment pas malaisant. J'aime ça que tu reprends le call de Trana Wintour qui dit « I'm not really a fan » de Céline, mais juste dans plein de contextes différents, même pour ton propre podcast. Oui. vous voulez que je parle de ma pratique, c'est ça? Ah oui, okay. Pas game. Nous donner un peu le ton. OK, un peu le ton. Ouais, en fait, je fais du street art depuis 12 ans maintenant. Okay. Ça dit un peu mon âge, mais pas tant. T'as peut-être commencé à faire des graffitis à 6 ans. Exact, c'est exactement ça. Who knows? Ben, ouais. Des crayons de tir sur un mur, ça compte comme un graffiti. Ça commence toujours comme ça. oui, c'est ça. Fait que ma pratique, c'est vraiment en lien avec, comme on disait, l'amour radical pour la biodiversité. Donc, en fait... Comment amener le lien avec la nature en ville, puis comment faire en fait des liens entre... En fait, l'idée, c'est vraiment que les gens passent dans les rues, là, ou les ruelles, ou whatever, où est-ce qu'ils passent dans la ville, puis vraiment comme s'arrêter, puis réfléchir aux œuvres que je fais. C'est vraiment du collage. Je fais aussi des graffitis que je ne vais pas vous dire c'est quoi, parce que c'est anonyme, mais... possiblement illégal. Juste peut-être, peut-être. Juste peut-être. J'ai commencé vraiment à faire ça avec différents collectifs féministes à Montréal. Mm-hmm. J'ai toujours eu une pratique vraiment ancrée dans le collectif. C'est aussi quelque chose qu'on va parler plus tantôt. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire de l'art seul ou qui aime sortir, aller faire du street art tout seul. Mm-hmm. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense que ça aussi, ça ramène à l'idée de... J'essaie de vraiment m'éloigner de tout ce qui est art colonial, qui est vraiment individualiste, vraiment ancré dans une pratique. Ancré sur juste se faire plaisir à soi-même, pas penser aux autres autour de soi. Puis en fait, mes œuvres, souvent les gens trouvent que c'est bien cute parce que c'est genre des oiseaux, des insectes, etc. Mais il y a vraiment une pensée décoloniale autour de ça qui est vraiment en lien avec... en fait, est-ce que vous connaissez vraiment le territoire sur lequel vous habitez? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui n'existe plus aujourd'hui? Qu'est-ce que les murs aussi nous disent à travers la ville? Qu'est-ce qui a été oublié? Qu'est-ce qui est disparu? Donc, toutes ces espèces de rapports-là à l'art urbain, en fait. Ouais. Voilà. Ça, c'est en lien avec ma pratique de street art. Mais j'ai aussi une pratique de commissariat en art public. J'ai fait plusieurs projets... indépendant, mais aussi avec la ville de Montréal. C'est sûr qu'avec la pandémie, disons que j'ai fait moins de projets en espace public parce que la COVID, ça venait vraiment amener des challenges. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui a vraiment une pratique qui est ancrée, encore une fois, dans l'idée de la collectivité, mais laisser place aux personnes autochtones, noires, personnes racisées qui travaillent dans leur propre... quartier, puis comment ils travaillent avec leur propre communauté, puis laisser la place à leurs œuvres, à leur travail, puis un peu challenger en fait le Montréal blanc que tout le monde connaît, puis comment leur public à Montréal est vraiment il y a un certain design, il y a une certaine pensée autour de ça qu'on veut vraiment essayer de s'éloigner avec les projets qu'on a faits. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça que je fuck fais. Yes. Quand j'ai 2 minutes, ce qui veut dire jamais. Oui, c'est ça. Quand j'ai un petit 2 minutes, là, on ouais, the side. Là. Juste on the side. Toi, Léoli, quand t'as un petit 2 minutes, là, tu fais quoi comme pratique artistique? Donc, je fais de la performance, je fais des néons en sculpture, beaucoup de tissus imprimés et empreints de motifs ancestraux que je retrouve dans les images des collections muséales coloniales numérisées ouais. Depuis quelques années. Et aussi pas mal de performances collectives et individuelles, dépendamment du budget, puis des conditions hygiéniques, voilà. Oui. Sanitaires. On peut ouais, ou on peut pas. Puis voilà, je suis également commissaire, et donc souvent je travaille en collectif avec de 1 à 4-5 personnes, dépendamment du projet également, puis du budget, ouais. puis de tout ça. Et surtout sur l'art autochtone, mais pas que. Et donc, venant des Issamois, à travers lesquels la ligne internationale de la date passe, on est quand même un peuple divisé au milieu du Grand Océan, qu'on va appeler, selon les modes de pensée occidentaux, le Pacifique. Mm-hmm. On n'est pas pacifiste. De nerve. Appelez cet océan-là Pacifique. De nerve. C'est Magellan qui est passé par chez nous, puis il n'a pas vraiment été à des fêtes. C'est une drag queen? Bah, il avait pas été invité à des parties. Ouais, c'est clair. Le drag race with Shion. Oui, c'est ça. vous l'avez les deux nommé. Je vais passer tout à cette question-là pour que les gens. Ça, moi, je sais c'est quoi, mais pour qu'on éclaircit les gens. Quand on dit commissaire, là, c'est pas comme dans commissariat de police. Ça se passe-tu à la commissure des lèvres? Oui. Yes. Qu'est-ce que ça mange en automne, un commissaire en art? C'est une bonne question. Mm-hmm. Pour mettre ça vraiment simple, ben pour moi, en fait, commissaire, ça veut dire rassembler des gens ensemble. Oui. Des artistes, ça peut être des artistes, mais de différentes disciplines ou des gens qui travaillent dans le milieu de l'art en général. Puis ça peut être présenter une exposition, ça peut être organiser un projet, mm-hmm. Ça peut être juste se rassembler autour d'un souper puis discuter de projets. C'est l'idée de rassembler, en fait. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois l'idée de commissariat. Il y a des commissaires qui travaillent en institution, donc en musée, en galerie, ouais. En centre d'artistes, qui ont un emploi là à temps plein, ou tu peux être commissaire indépendant en faisant des projets comme Léoli et moi. Mm-hmm. Mais ça veut vraiment dire plusieurs choses. Ouais, je sais pas qu'est-ce que tu rajouterais. Puis je voulais juste aussi ajouter que quand on préfère le mot commissaire, puisque c'est neutre, ouais. Au mot qui est utilisé en Europe francophone, curatrice, curateur. Ou en... Qui est un anglicisme en plus. Bah, bah oui, et puis on avait aussi conservateur, conservatrice. Mm-hmm. Ouais. On s'en passe, on s'en passe. Ouais. Allô, et c'est également comme organiser l'espace de diffusion de la culture visuelle, à mon sens. Donc, c'est comme des projections, comme là, autour d'une table, à 5 heures du matin, puis... comment on va parler des choses. Et, oui, parce qu'il est 5h du matin. Oui, oui. Ceci est un podcast matinal. Ah, si qu'on se lève tôt pour ce podcast. Jamais là. On mentirait. Jamais. Mais t'as-tu déjà... Aurais-tu l'audace de mentir à notre public en ondes? Moi, jamais. Jamais. Des fausses informations, oui. Mentir oui, délibérément, parler jamais. À travers mon chapeau tout le temps, mais jamais. Mentir et éhontément, ça, non. Fait que la fois, commissaire, c'est vraiment faire les choix autour de... Que ce soit une exposition, une performance, un regroupement, c'est l'endroit, possiblement les œuvres ou les gens qui vont choisir les œuvres. Tu sais, c'est... Oui. Dans le communautaire, on appelle ça coordonnateur. Oui, mais il y a un aspect de travail avec les artistes qui est aussi vraiment important. Ouais, hein. C'est pas juste organiser une expo. C'est là. Pas juste organiser c'est une expo, c'est vraiment travailler avec ces personnes-là très proches. C'est décider... comment on veut présenter les œuvres ensemble, quel espace on veut créer, que ce soit un espace privé, public, etc. Donc, c'est quoi l'ambiance qu'on veut créer? Mm-hmm. Pourquoi c'est se rassembler autour d'une thématique ou d'un lieu spécifique? Donc, c'est pas juste coordonner, c'est vraiment comme amener une pensée ou des pensées ou un concept ensemble. Puis, je dirais aussi que c'est important pour nous, surtout dans notre démarche à... situer les artistes avec lesquels on travaille ouais. dans leur trajectoire en termes d'histoire de l'art autochtone, racisée, spécifique à chaque territoire, spécifique à leur lignée familiale, etc. Mmh. Puisque souvent, il y a une méconnaissance répandue énorme. Ouais. Puis il y a une question d'honorer aussi les gens avec qui on travaille. T'sais, je pense que c'est pas juste « Ah, oh, j'ai envie d'inviter cet artiste-là ou cette personne-là à travailler. » C'est quoi la relation qu'on a avec cette personne-là? C'est comment on veut développer une collaboration, mm-hmm. puis comment on vit dans ce qu'on appelle une parenté, le kinship. Ouais. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important dans le travail. Puis vous, vous êtes surtout en art visuel. Qu'est-ce que c'est un espace de culture visuelle? Qu'est-ce que ça peut être? Ça englobe quoi? Question pas générale. Ouais, non, moi j'aime ça, ouais. Léo qui est en train de squeaker, c'est literally genre Yael qui a ajouté ça dans le plan, là. Genre, yes, bitch, go off! Les cultures visuelles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ben, moi, j'aime toujours faire un lien entre les cultures visuelles qu'on voit devant nous, pour les personnes qui peuvent voir, évidemment, puis comment on se fait des cultures visuelles dans notre intimité ou à l'intérieur de nous, puis comment aussi, là, je vais faire un lien avec vraiment ce que nous, on travaille, là, mais ouais. En lien avec notre culture, avec nos ancêtres, etc., comment tout ça peut créer des espaces visuels vraiment différents. Fait que c'est pas juste, ah, oh, tu rentres dans une galerie ou un lieu, puis c'est un espace visuel, c'est comment toi, ça t'amène à te créer ton propre espace visuel. J'ai aucune idée si ça fait du sens ce que je dis, mais oui, c'est comme ça que je le vois. Oui, absolument. Oui, oui. Ouais. Puis c'est pas uniquement dans des galeries ou dans des centres d'art communautaires, non, non. Des musées. Je pense aussi à l'espace numérique. Surtout durant cette maudite pandémie. Là, moi, j'ai surtout fait de l'art numérique. Puis comme tous les artistes qui ont fait le pivot. Mais c'est également aller vers les gens, là où ils sont. Puis je pense que c'est se créer des récits ensemble. Ouais. Et peut-être un peu amener notre imaginaire à nous. Sortir vraiment le plus possible aussi de l'exposition statique, coloniale, muséale, qu'on est donc tout habitué d'avoir vu. Parce que c'est ça le travail de l'espace, un peu. Là, quand on, c'est de sortir d'une... Parce que en plus, c'est impossible de ne pas faire le lien entre colonialisme et espace, parce qu'il y a toujours une acquisition de territoire. Exactement. Donc forcément, quand tu remets en question aussi le musée, c'est la même remise en question qu'une prise de territoire. OK, c'est un excellent segue vers la question qui tue. Let's drop the bomb. Qu'est-ce qui différencie l'art autochtone de l'art colon? 1, 2, 3, 4, let's go, on règle ça à soir ici. Passe à matin, pardon. Ouais. À matin, hey, my. Excellente question. J'aime ça aussi que tu mentionnes l'art colon parce que c'est rare que les gens veulent juste mentionner le mot colon. Surtout ici au Québec, les gens sont pas prêts à ça du tout. Ils vont à peine nommer ça l'art blanc, ils vont appeler ça l'art contemporain, l'art modernisé, l'art whatever. Mm-hmm. Mais l'art colon est vraiment pas utilisé ici. Donc, merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. La différence entre l'art autochtone et l'art colon, ben, premièrement, il n'y a pas un art autochtone, il y a plusieurs arts autochtones. Moi, je n'ai pas une définition précise de ça, mais je pense que vraiment, où est-ce que moi, j'ancre mon travail artistique et j'essaie d'aller à l'encontre de l'art colon que je vois comme quelque chose qui est vraiment ancré, évidemment, dans l'individualisme, le capitalisme, travailler très vite, travailler dans une urgence puis dans une façon de voir tout doit être parfait, tout doit être cadré, une structure très rigide. C'est là que je vois une déstabilisation quand l'art autochtone arrive puis que les gens qui travaillent dans l'art colon sont comme « Oh my God, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? » Tu sais, juste l'idée de, admettons, smudger dans une galerie parce que ça fait partie de nos traditions. Il va y avoir des musées qui sont comme « Non, on peut pas avoir une chandelle ou whatever ou peu importe c'est quoi ici. » Juste comment les gens sont pas prêts à changer leur façon de penser, peu importe c'est quoi, ça vient de déstabiliser, en fait. Je dirais que ça, c'est une partie de ma réponse. Mm-hmm. Et moi, je dirais aussi que autant il n'y a pas un art colon, et aussi que ce terme n'est pas utilisé en Europe francophone non plus, donc merci. On va les appeler, on leur dit... Ils ont besoin de vous. Ouais. Puis, c'est surtout les personnes qui créent. Et je me fais remarquer cette semaine par des étudiants à l'UQAM pourquoi travailler dans des espaces, on va dire, formalistes. Oui. Et je dis, c'est également des espaces publics financés par les contribuables. On fait partie des sociétés, on a droit à ça. Et bon, avec tous les problèmes qu'il y a. Ah, vous êtes payé avec nos taxes! Trop imposé, même! Moi qui paye des taxes, c'est quoi? J'en paye, là. Je fais assez d'argent. Qui c'est qui nous cogne en arrière? Ah, la pizza est arrivée, tout le monde! La pizza est arrivée. Le Q, la régie, nous dit que la pizza est arrivée. Bon, ben là, wrap it up, là. Fait que l'encolon, c'était ça, là. Ben, c'est surtout toute une gamme de préjugés, je veux dire, ouais. En termes de visualité. Donc, venant des îles, qu'on va peut-être dire polynésiennes, on a toutes sortes de propagandes créées par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre, par l'Allemagne, par le Japon, ouais. Où on va penser que tout le monde est comme disponible. Ouais. Que c'est vraiment des îles paradisiaques, tandis que en fait, les missionnaires sont déjà passés, les essais nucléaires sont déjà passés, les plantations sont déjà passées, et il n'y a plus rien à faire. Mm-hmm. Oui, non, mais là, mon Dieu, dans ces coins-là, en plus, les essais nucléaires, c'est juste insane. Ça n'a absolument aucun bon sens. Genre, on va nuker des places. Mais il y a juste quand il y a juste deux places qu'on s'en rappelle. Oui. Ben, surtout que, parlons de Bikini, c'est quand même un atoll. Deux? C'est un des atolls bombés par les États-Unis. Ah oui. Mmh. Donc, je sens pas ça. Puis, parlant de ce qui peut être de l'art colon et des lignes poreuses entre les arts colons multiples et les arts autochtones multiples, comme la notion d'hétérosexisme et de cissexisme est héritée du colonialisme, c'est quoi la ligne entre l'art autochtone queer et pas queer? Est-ce que queer s'applique? Est-ce que c'est autre chose? Que c'est ça? Aïe. Non, c'est... mais on jase, là. On fait rien que jaser. C'est bien. C'est... Je trouve que c'est un sujet aussi qui est pas tant jasé dans les milieux autochtones en général. Mm-hmm. Les gens se focusent juste sur l'art autochtone, puis c'est tout. En tant que personne queer, non-binaire, je dirais que pour moi, l'art autochtone queer, c'est vraiment faire de l'espace puis prendre l'espace entre nous puis en fait juste se donner de l'amour, c'est vraiment quétaine à dire, mais c'est vraiment pour moi c'est ça l'amour queer. Puis tu sais, quelqu'un comme Léolie, ben je sais qu'on a des affinités puis qu'on s'aime d'une façon qui va pas être la même avec mes amis straight autochtones. Mm-hmm. Juste parce que on partage des valeurs, des façons d'être, puis un super pouvoir, la magie. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis malheureusement, l'art autochtone est aussi ancré dans le sexisme, dans la misogynie, de différentes façons, évidemment. Fait que c'est difficile de sortir de ça. Mm-hmm. Puis il y a des gens en art autochtone qui sont pas bien. Puis qui profite de cet état de fait. Puis de, surtout, c'est aussi une façon pour nous de se rassembler puis de se passer, je veux dire, de l'hétéropatriarcat obligatoire qui a été instauré, où bien sûr il y avait des courants dans plusieurs des peuples. Mais pour moi aussi, je voulais juste ajouter que c'est également des personnes qui s'identifient comme non hétérosexuel. Mm-hmm. Mais ce clivage est inventé en Europe. Mm-hmm. Oui. Il faut se l'avouer. Puis on a quatre genres chez nous, par exemple. Vous dites ça, moi. Donc, moi, je suis fafafiné chez nous et non-binaire en dehors de là. Donc, c'est vraiment vivre avec la multiplicité. Parce que, tu sais, souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, bon, il faut faire attention parce que des fois aussi, comme personne blanche, on idéalise beaucoup. Le passé autochtone, tout allait bien, il n'y avait pas de sexisme. Non, mais tout le monde a droit à son histoire sans se faire coloniser. Ça c'est un. À chacun son histoire, qu'a dit Natacha Saint-Pierre. Puis tu sais, comme, si mettons, puis on le voit partout, là, c'est vrai dans les communautés autochtones du Québec, on le voit dans les communautés indiennes, il y avait déjà plusieurs genres, il y avait déjà des choses qui étaient dans notre langage non si sexistes. Fait que des fois, jusqu'à un certain point, mettons, la lutte pour les personnes bispirituelles, ça pourrait être seulement une lutte anticoloniale, en fait. Ça être une lutte queer, parce que si le colonialisme, c'est tout le temps ça, mais si le colonialisme ne s'était pas passé, il n'y aurait pas, peut-être pas, un enjeu si sexiste. Ces personnes-là étaient déjà acceptées ou du moins existaient déjà dans l'espace public en tant que personnes bispirituelles. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens. Est-ce que mais je sais pas, parce que c'est difficile de s'imaginer comment ça serait aujourd'hui s'il n'y avait pas de de colonialisme. Tu sais, quand les gens nous posent ces questions-là, comment la société serait aujourd'hui? Ouais. J'ai aucune idée. Puis je suis sûre qu'il y aurait d'autres merdes qui existeraient aujourd'hui. Mmh. Fait qu'il y a ça que je veux rappeler parce que je pense que là, ça serait pas juste des papillons partout puis on serait bien heureux. Je pense que aussi le sexisme puis l'hétérosexualité existait dans les milieux autochtones avant le colonialisme, puis ça aurait sûrement pris le dessus aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, je suis certaine de ça. Fait que je sais pas. Moi, si on continue un peu notre fantaisie historique, on pourrait penser qu'avec les pays occidentaux aux alentours, peut-être que l'influence aurait juste fait la même affaire. Je pense sûrement que oui. Ou il y a beaucoup de pays qui n'ont pas été nécessairement colonisés, mais qui se sont sauvés de la colonisation en adoptant des systèmes politiques, des codes culturels pour comme éloigner les colons puis pouvoir dealer avec eux de cette manière-là aussi. Oui. Puis aussi, en Amérique du Nord, on est full dans notre fantasy de genre... Two-spirited, bi-spirituel, c'est un terme qu'on comprend, qu'on nous a expliqué. On est comme, oui, on okay, s'accroche c'est à ça. Ça. On s'accroche à ça. Ceci étant dit, c'est né dans les années 90 après une conférence des nations nord-américaines qui se sont entendues sur ce terme-là, umbrella term, pour plein de communautés, mais en tant que tel, c'est très récent. Là, c'est pas, non, exactement. Mais c'est carrément dans la pensée européenne, suite aux Lumières, de s'attacher, de s'accrocher à un terme. Mm-hmm. Comme définissant toute sorte de pluralité, de complexité, de nuances. Et donc, c'est un peu ça aussi que, par exemple, chez nous, il y a autant de personnes non-binaires, trans, queer, il y a autant de vécus dans le monde, bien sûr. Mm-hmm. On est complexe, quand même. Ben oui. Ça, c'est nous autres. Oui. Ça, c'est nous autres. Ben oui. Alors, sur ce, on va aller au Starbucks du village. Moi, c'est la seule place qu'on va d'émission en émission. Maintenant, c'est notre café. Hey, nous autres, on lui fait de la promo. Ils en ont besoin. Oui. Là. On Alors... les pas. Encouragez Starbucks du village, la gang. Je vais aller voir le gobelin avec des dreads pour lui expliquer que Spirit Animal, on n'utilise plus ça comme terme. Patronus non plus. Hey, on n'a plus grand-chose. Il reste Final Form. Final Form. Oui. Parfait. Fait qu'on va aller se prendre ce café-là. Ciao. Et on vous revient. Overcaffeiné. C'est ça. C'est ça notre brand. C'est ça notre brand. Moi, je te juste comme ciao. Là. Chris, la pizza est arrivée, j'ai faim. Là, Papa Pivot, tu peux plus te clapper à la main dans les airs. Oui, clap. C'est-tu là? Non, fais-le pas de suite, pas de suite, pas de suite. J'ai encore. Attends. J'ai peut-être de quoi dire. Attends, j'ai encore de. Ah, je l'ai perdu. Non, mais attends, j'ai. On est revenu du petit café indépendant. Pas le Starbucks du village. Préféré à Jess, le Starbucks du village. Puis. C'est la saison des pumpkin spice latte, tu m'enlèveras pas ça, tabarnak. Gars. Puis, on est de retour, on veut caféiner. Oui. Puis, en rush de sucre quand même, parce que le petit sirop pumpkin spice quand même. C'est fort. En plus, moi, je mets de la crème poitée sur le top. Fait que... Ah, c'est-tu que t'es folle? Ah, je suis de même. T'as aucune limite. Ah, je regarde pas la dépense. Ah! Depuis qu'on est payé pour podcaster la crème poitée, ça y va par là. Hey, c'est qu'on est riche. OK, Léoli, tu disais de quoi de vraiment intéressant off the mic avant qu'on revienne, que tu disais que tu avais oublié de partager, mais que là, j'ai oublié ce que tu avais oublié, mais que tu avais raconté, mais qui était intéressant. Peux-tu le ramener? Toi, tu t'en souviens-tu? The segue to end all the segue. Que surtout, dans la création contemporaine, on a droit à aborder des sujets qui sont autrement tabous, puis qui est également un mot d'origine océanienne, tapou. C'est vrai? Ben oui. Ah. Comme tatou, tatouage. Bon, j'en passe. C'est aussi parce que je voulais parler de la performance et puis de la vidéo que je fais, puis surtout des artistes queer, on va dire entre guillemets queer, trans, non-binaire, pour juste résumer, mais de diverses cultures dans le grand océan. Mm-hmm. C'est également parce que chez nous aux îles Samoa, on avait une cérémonie d'orgie, de partouze communautaire, tous les 3 mois. Et puisque ma grand-mère est morte plutôt durant la pandémie, il y a 2 ans, j'ai maintenant droit à parler de ce sujet. Yes. Et surtout de le mettre en œuvre dans ma pratique artistique, financée par les fonds publics. Partouze ancestrale. C'est ça, partouze ancestrale. Donc ça date. Non, j'ai... Avant les colons, on se jouait dans le colon, c'est trop beau. Imaginez, il fait chaud toute l'année, entre 25 et 35. Okay, toute l'année. Ouais. Puis voilà, on a droit à désirer. Tout le monde checkait qui c'est qui avait de la climatisation. Ouais, oui. Les profils, c'était juste genre tous pareils, sous les cocotiers. Oui, la même photo, tout le monde. Mais c'est ça, Léo, tu utilises beaucoup ta pratique pour éduquer des publics en termes d'histoire puis de pratiques autochtones, de parentalité étendue, ce qui touche beaucoup au genre, à la sexualité, aux rôles sociaux et cérémoniels, parce que quand même, c'est-à-dire que les colons, on se perçoit pas dans ces paradigmes-là, mais on a des rôles familiaux, relationnels, genrés, statiques, famille nucléaire, capitaliste, puis on va beaucoup, comme mettons, comme queer, blanc, colon, critiquer les structures capitalistes sans nécessairement s'y approprier comme mode relationnel, culturel, ce que c'est aussi. Comment on reconnecte avec des pratiques qui ont été mises en péril par des années de colonialisme? D'abord, je dirais aussi que c'est pas permanent. C'est pas culturellement permanent chez vous. C'est passager. Ça fait que 400 ans, là. Ouais, ouais, c'est puis, ça. Dans l'histoire. Grain de sable dans l'univers, c'est nous autres, ça. Non, mais je veux dire, depuis l'invention des dites lumières. Ouais. C'est pas si permanent que ça. Puis je voulais aussi dire que c'est pas mal le fait de se créer des espaces ensemble, puis de créer des œuvres à la fois dans la vie nocturne, mais à la fois dans les espaces d'exposition. Donc, je pense que. Dans ma pratique, par exemple, je suis amené à créer ces œuvres-là pour les gens de chez nous, mais également pour les gens de l'extérieur, puisque, par exemple, dans les îles Samoa, on a passé déjà une période où il y a très peu de colons sur place, mais toutes les structures sont restées. Et puis, c'est nous qui les incarnons. Donc, c'est vraiment ça le problème, chez nous, selon moi. Mais plus largement, on a une méconnaissance de toute cette zone, y compris des cultures sexuelles, genrées, etc., qui s'y trouvent. Donc, c'est un peu comme on est obligé de se faire de la sensibilisation de culture, de genre, de sexualité, de langue, puis d'histoire. Puis en même temps, toutes nos structures, toutes nos institutions sont européennes. Ouais. Donc c'est un peu comme faire des marches arrière. Voilà. Est-ce que... parce que c'est une question que je me pose un peu tout le temps. C'est-tu difficile parce que je veux pas... Il y a une espèce de back and forth tout le temps en passé, présent. Se remémorer, mais aussi créer. tout le monde dit « Parle dans ton micro, Jess! » Je vais le regretter, si tu m'as crié tout le restant. Comment on s'oriente, j'ai le goût de dire, temporellement, entre la remémoration et la continuation d'une culture? Est-ce que c'est difficile des fois de... Ah, ma pastille est collée sur mon coude. C'est pas évident quand même. C'est pas évident. Je sais pas si toi, hein, Camille, t'as une réflexion là-dessus, le passé-présent. Il y a passé-présent et futur. Construire un futur, mais ouais. Ouais, ben moi je trouve que les gens, c'est drôle parce que les gens parlent toujours du passé, puis tout le monde est obsédé avec le passé en fait. Puis tu sais, si tu penses à l'histoire du Québec colonial, c'est ancré dans le passé. Oui. Moi je trouve qu'on n'est jamais dans le présent ou dans le futur ici, mais c'est peut-être un autre sujet, mais tout ça pour dire que ça overlap là. Ouais, je pense que les gens sont obsédés par le passé puis comment on était avant, c'est quoi nos liens avant, etc. Mais je pense pas que c'est ça qui est si important aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment comme qu'est-ce qu'on fait dans la situation actuelle avec nous-mêmes, avec ce qu'on a, puis où est-ce qu'on s'en va avec nos cultures, puis avec nos histoires, puis nos savoirs, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment ça la question. Puis je pense que de toute façon, juste d'être là, c'est honorer le passé. Oui. Juste d'avoir survécu. Uh-huh. C'est juste un acte d'être juste présent dans la vie actuelle. C'est faire un lien avec le passé. Mm-hmm. Je pense pas que c'est nécessairement besoin d'aller plus loin que ça, même. Tu sais. Oui. 100% d'accord. 100% d'accord! Comment d'en faire revivre ces pratiques culturelles-là dans un monde où il y a, oui, comme une culture blanche européenne colonne dominante, mais aussi une sous-culture queer qui est dominante aussi dans les voix qui s'élèvent contre l'hétérosexisme, mais qui est surtout drivée par les personnes blanches européennes colonnes privilégiées. Fait comment on challenge les relations, le genre, la sexualité quand la sous-culture devient un nouvel impérialisme blanc en fait. Tranquille. toujours tranquille. Les questions. Je pense aussi c'est le fait de réclamer une appartenance à des histoires multiples, des histoires de l'art, des histoires de culture multiples. Mm-hmm. Et pas dire que, qu'on est forcément artiste issu du courant que, qu'a vu naître Félix González Torres. Ouais. Toute la gang des États-Unis, de New York et toute cette expérience, c'est étonnamment super. Mais il n'y a pas que, pas que ces personnes-là comme figure de proue, puis comme d'ancêtre culturel et visuel. Mm-hmm. Donc je pense aussi qu'on est quand même autorisé en tant qu'artiste, surtout de nos communautés, à faire de la recherche, à aller dans les archives, à aller puiser dans les récits des anciens, des anciennes, et vraiment fouiller là où autrement c'est pas permis. Mm-hmm. Et donc je parlais surtout de cette cérémonie de Partos, puisque chez nous c'est la honte qu'on incarne. C'est la honte mm-hmm. chrétienne qu'on incarne. Oui. Et ça, bien sûr, il y a comme c'est un fléau mondial chez toutes les personnes queer, trans, non-binaires, etc. Mais c'est nous qui l'imposons à nous-mêmes maintenant. Mm-hmm. Ça fait un petit bout de temps mm-hmm. que les colons sont partis des Isamois. Mais les structures, c'est vraiment en nous. Et surtout, on vit à Auckland, à Los Angeles, à New York. Et c'est toujours le cas. On n'a pas délaissé mm-hmm. ça. On n'a pas eu des révolutions tranquilles, comme vous autres, là. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment... révolution tranquille. À part tout seul, je m'excuse. Je suis désolé. Non, puis c'est vraiment les églises qui sont les structures les plus chéries chez nous. Voilà. Et les plus chères, parce que c'est des condos maintenant. Parce que ça coûte cher. Mm-hmm. On l'a dit, on est un peu limité par le podcast quand on reçoit des artistes visuels. Mm-hmm. Comment ça influence le choix des matériaux, le choix de la performance versus le vidéo versus la photo? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ça? Non, j'ai fait ça au hasard. C'est quoi la réflexion? J'allais chez Omar de ça, j'ai pris ce que je trouvais beau. Oui. C'est exactement quoi la réflexion ça. Derrière ça? Parce que ça influence pas juste votre réflexion, ça influence le choix de la pratique artistique elle-même. Oui, ben personnellement, mais je pense que Léoli et moi, on a ce rapport-là au textile, au toucher, au mouvement qui est vraiment quelque chose qu'on aime. Oui. J'ai toujours aimé les œuvres qui bougent, en fait. C'est pour ça que j'aime tout ce qui est en espace public, parce que rentrer dans un musée avec des murs blancs puis juste voir des tableaux, ça peut être super, ça peut t'amener des émotions, mais pour moi, j'aime l'idée de se sentir vivante ouais. avec des œuvres, puis de se sentir en une certaine connexion, que ce soit le toucher tactile ou juste que ça vient, ça bouge, en fait. Ouais. Juste l'idée que ça bouge autour de toi, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le médium du collage, du street art. Je fais aussi des œuvres textiles, mm-hmm. des choses où est-ce que je peux faire des choses avec mes mains que je me sens comme vraiment vivante dans le moment ouais. présent. Puis, je sens que les gens peuvent peut-être avoir une connexion autre, une connexion émotionnelle, spirituelle, physique. Oui. Ouais. Je dirais aussi que pour moi, pour tout ce qui est textile, ça me connecte aux ancêtres. Mm-hmm. Oui. Puisque presque la totalité de nos appartenances ancestrales, pour ne pas dire objets, oui. sont en Amérique du Nord et en Europe. Et le monde ignore qu'on existe. Oui. Donc, ça ne fait absolument rien dans ces musées-là. Mais ça fait en sorte qu'on n'a pas d'histoire de l'art, d'histoire matérielle en main. Puis chaque fois que je vais dans les collections, je découvre des choses que personne dans ma famille sait ce que c'est. Ouais. Et c'est comme troublant à fond. Genre, OK. Tu disais un peu sourire en coin au début de l'épisode qu'il faut que tu fasses tes recherches dans les musées coloniaux. Oui. Et c'est vraiment... moi, j'ai des adresses de courriel officielles mm-hmm. où je peux rentrer. Ouais. Je parle ce langage-là, je peux rentrer. Il y a énormément de monde qui veut faire ça, oui. qui n'a pas droit. Oui, parce que c'est ça. Oui, il y a du comment on appelle ça, le doorkeeping, gatekeeping. Oui, gatekeeping. Merci. Mais doorkeeping aussi. C'est, ah. c'est, mais, c'est aussi parce que je pense gaslight, gatekeep. Yes. C'est quand on se cherche en tant que personne un peu plus jeune, genre oui. il y a 5 ans, là, quand je me suis cherché, c'était que je ne trouvais pas de source, je ne trouvais pas de personne à me guider. Oui. Et donc, j'ai tendance à rechercher dans les archives. Oui. Puis, surtout avec la vague du sida, il y a eu pas mal de morts oui. chez nous aussi. Parce que c'est ça, tu sais. Oh, excuse-moi. Parlant justement d'aller. Tu en passes, hein. Parlant de faire de la recherche dans des musées coloniaux, Parce qu'on parle souvent de colonialisme et d'anticolonialisme sur des territoires volés. Mais c'est quoi les défis d'aborder ces enjeux-là sur les territoires des voleurs? Parce que toi, t'es un artiste international aussi. T'es en France. Oui, il y a assez de Québécois, Québécoises, Québécois qui font juste nier. Hein? Non, non, non, on l'enlèvera pas, la statue de McDonald's, on l'aime assez. Tu sais, quand t'arrives là-bas où... C'est ça, c'est eux autres qui ont carrément « get out of their way » to venir ici, là. Puis qui nous ont produit moins. Je viens de passer 4 mois en Europe, en résidence à la Cité des Arts à Paris et quelques semaines à Berlin. Et j'ai trouvé très troublant le fait que, même aujourd'hui, même si on a publié énormément de trucs en français, en anglais, en allemand, on est toujours ignorant là-bas. Ignorance. Ouais. Mais je n'ose pas dire que c'est plus... je ne pense pas que ce soit vraiment des personnes non-binaires instruites qui sont ignorantes. Là. Mais je trouve que... Parce que quand on parle de se réapproprier l'espace, faire ce genre d'exposition-là en France, ça a un petit... ça a un mais même avoir une personne autochtone de Nouvelle-Calédonie en la personne d'Emmanuel Casaero à la tête du plus grand musée colonial de France, ouais. Ça ne change pas grand-chose. Ah ouais, même hein. Lui, il n'a pas la capacité de changer. Non, parce que l'institution est quand même là. Là. Oh, c'est politique à fond. Oui, ouais, c'est ça. T'as beau donner la job, on le sait comment ça marche. Là, tu mets un corps représenté, mm-hmm. Mais après ça, c'est plus là. Est-ce que j'ai le goût de tantôt parler d'art visuel, puis je commence à plus aimer le terme. On peut-tu dire art du sensible? Parce que vous... Ah oui, c'est totalement. On décrète ça ici. Ouais. Là, moi, j'avais fini. Là. On parle plus d'art visuel. Ouais. Changer toutes les demandes de fond. Parce que tu sais, non, mais autant au début de l'épisode, je disais questionner l'espace muséal, c'est un peu comme questionner l'espace colonial. Ben, pas pouvoir toucher aux objets qui appartiennent à X, Y communauté versus oui. Pouvoir toucher l'œuvre de Léolie, l'œuvre de Camille. Oui. Encore une fois, il y a un renversement. C'est une belle réappropriation. Oui, ben, l'espace public ou privé, ça reste, je reviens avec ça, mais ça reste politique, peu importe. Tout à fait. Donc, je pense que ça revient à ça parce que, tu sais, même si. Là, Léolie parle des musées, mais si après ça, tu veux faire des projets en art public, même ici, ça peut être extrêmement difficile. J'ai fait des projets financés par la Ville de Montréal, puis tu n'as pas le droit de... Tu sais, mettons une performance de Kamal Amakrel, qui est une artiste vraiment extraordinaire ici, voulait faire un projet, une performance spoken word dans son quartier, Parc Extension. Puis c'était vraiment où est-ce qu'il y a le métro. Puis c'était comme, oh, tu peux faire ta performance ici, mais 2 centimètres plus loin, c'est la propriété du Loblaws. Puis 2 centimètres après ça, c'est la propriété de la ville, puis le métro, puis tout ça. C'est l'idée de comme, en fait, tu peux même pas faire tes œuvres comme tu veux dans cet espace-là parce que c'est un espace politique. Oui. Fait que c'est la question. Que monsieur, madame Loblaws s'empêche de dormir la nuit en se disant mais j'espère que Kama va pas venir là. Exact. Faire son spoken word, imagine, c'est ma propriété privée. Exact. C'est l'idée de la propriété privée. Le public privé est vraiment présent là, mais c'est aussi comment, en fait, comment tu te sens dans ton propre quartier, tu sais. Oui. C'est ton quartier à toi, mais tu n'as même pas le droit d'aller faire ta propre performance avec des gens qui vont parler de leur relation d'amour, d'amitié à leur attachement à leur propre quartier. C'est intéressant de voir comment, en fait, c'est toujours relié à l'espace colonial, en fait. Parce que l'espace colonial, c'est un espace de structure fermée, c'est un espace d'accepter les règles. Oui. Et t'as le droit d'être là ou t'as pas le droit, puis c'est ça. De rôle restreint. De rôle restreint, exactement. Oui, oui, oui. L'espace colonial. Non, oui, ben, c'est, tu sais... C'est des beaux sujets. Le Starbucks du village, c'est un espace colonial fermé à rôle restreint, ça, mettons qu'on y va chercher un... T'as peu, je veux parler de Tokyo. Faut qu'on parle de Tokyo, parce que moi, je connais absolument rien à Tokyo, j'ai aucune idée. Genre, j'ai même pas une question précise. Genre, je suis comme, c'est quoi parler de colonialisme à Tokyo, genre? Ben, justement, j'étais pas à Tokyo, c'est le fameux palais de Tokyo à Paris. C'est le palais de Tokyo. T'étais pas à Tokyo! Mais c'était le pavillon... japonais durant une des expositions universelles dites universelles à Paris. J'étais comme ça doit être rough par les colonialistes. Et en fait, même le fait d'avoir des artistes autochtones d'ici comme Asenayak, Inuk de Nunavik, faisant partie de la sélection des artistes dans cette exposition Réclamer la Terre sur la Terre en Europe. Voilà. Ah, ok. Mais à Paris, là où j'ai travaillé, il y avait ben de monde qui m'ont demandé pourquoi c'était pas au musée du Quai Branly. Pourquoi c'est pas là-bas, là... Là où c'est supposé de se passer. Oui. You know them figé. French bitches be nosy as fuck. Comme figé dans l'histoire, ouais. Là. Ouais. Ouais. Tandis que non, ce sont des personnes vivantes, quoi. Ouais. Oh là, l'Europe. à Tokyo. C'était bien plus fun quand tu se pognais rien quand eux autres. Ah. Chris, qu'on s'ennuie de ça. T'en rappelles-tu? Ah ben, je... On va-tu jaser de ça devant un café? Ah oui. Ah oui, on va laisser remémorer la vieille Europe. Les vieux pays, comme ma grand-mère disait. Hey boy. Ah, le pays de Galles, puis tout, là, les Francs, puis... Ramène-moi pas ça à Galles, Carlis, on est sortis de Saint-Lô. Oh, là. Galles est back. Guess who's back? Mm. Back again. Mm. Ben, ce qui est bien, c'est que la reine d'Angleterre est morte, fait qu'il n'y en aura plus de Britanniques, en fait, parce qu'il n'y a plus personne à féconder, à pondre des œufs, à faire des nouveaux Britanniques. Pas tant que la nouvelle reine rentre dans la ruche. Ça, on est comme we're done avec le Royaume-Uni. On a parlé de la vieille Europe, puis on s'est pris un billet d'avion. T'es allé à Tokyo voir l'exposition de Lully. T'es pas là. On s'est rendu, puis on est revenu. Ouais. On s'est rendu, puis on est revenu. T'es pas là, mais c'est. Et hey, puis c'est long fouiller Tokyo là, pour une expo là, quand même. C'est, hein? Gros, c'est gros, s'il te plaît. C'est, hein? J'ai aucune idée. Tu le sais-tu, toi? Moi, je sais pas. Moi. C'est pas. C'est juste la plus grosse. Du monde. C'est exactement ce que je disais tantôt. Genre, je connais absolument rien à Tokyo. Fait que là, maintenant, je vais me lancer dans une analyse. Hey Camille! Là. Hey Camille! OK! Toi, tu utilises l'espace public dans ta pratique, t'en parles beaucoup, mm-hmm. pour faire des campagnes poèmes et sensibiliser mm-hmm. sur la disparition d'espèces et la relation au monde extra-humain. Monde extra-humain, très nice, très... J'aime ça. Comme terminologie, c'est cool, tu sais. Puis moi, OK, ma question... est-ce, l'extra-humain, ça peut sonner queer. C'est-tu queer, l'extra-humain? Totalement, c'est ma question préférée, merci. Yes! Enfin, quelqu'un me pose cette question. Ben oui, c'est sûr que l'extra-humain est queer, puis l'extra-humain, ça c'est tout en fait. C'est les nuages, c'est ce qui est autour de nous. Il n'y a rien qui a un genre, là. Oui. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qui fait la magie du monde dans lequel on est. Puis c'est exactement ça que j'essaie aussi de ramener avec ce que je fais. Mm-hmm. C'est l'idée de, en fait, de... que les gens regardent mes œuvres, ils se promènent, puis ils se posent des questions, puis qu'ils se disent comme, OK, en fait, peut-être qu'il y a plus que juste nous, les humains. Il y a d'autres choses autour de nous, puis c'est peut-être pas à propos de nous aussi. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça que j'essaie d'amener, c'est mm-hmm. justement l'extraterrestre, quelque mm-hmm. part. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. J'essaye aussi, comme les gens disent toujours, « Ah oh ouais, mais c'est vraiment cute, tes œuvres, tout ça. » Puis ça m'énerve vraiment parce que, justement, il y a l'idée de comment aussi dans l'art colonial, comment, en fait, les gens ont tellement pas de lien puis de connexion à l'extra, qu'est-ce qui est autour de nous, mm-hmm. Qu'ils sont pas capables de trouver une relation souvent avec ça. Fait qu'ils trouvent juste que qu'est-ce que je fais, c'est donc bien cute, mais ils sont pas capables de penser nécessairement plus loin que ça. Ouais, t'sais. Les choses extrêmement, ouais. Genre les plantes, les animaux, on est habitué de voir ça juste exact. Dans des. Il y a le continu leur marche, là, puis ils sont comme ah. Tu sais, les insectes, c'est dégueulasse. Tu sais, des choses comme ça. Alors que je pense que. Puis, tu sais, écrire des poèmes autour de ça, c'est oh, wow, c'est cute, blablabla. Mais les gens ne pensent pas nécessairement à la relation qu'ils pourraient développer avec ça, à faire leurs propres recherches, etc. Je pense qu'il y a une radicalité. C'est pour ça que je dis l'amour radical pour ça, parce que la radicalité amène une nouvelle façon de penser, puis justement à ouvrir à l'extra autour de toi, tu sais. Mm-hmm. Parlant d'amour radical, tu parles aussi d'amour radical de la biodiversité, tout en jouant beaucoup sur l'urbain. Street artist, on en a parlé en début d'épisode. Normalement, dans notre tête, urbain, nature, contradiction, mm-hmm. oxymore, antithèse, mm-hmm. name it. Mm-hmm. Comment tu réconcilies les deux? Comment les deux se font écho ou sont en lien? Ben, en fait, c'est ça. Je pense que l'idée avec ce que je fais, c'est vraiment... de faire une connexion que les gens ne voient pas, qu'on n'existe pas, qui n'existe pas souvent. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en ville, qui a grandi ici, en fait. Les gens ne pensent jamais ça, mais c'est le cas. Fait que c'est comment, en fait, c'est ça, faire un lien avec qu'est-ce qui a été oublié, qu'est-ce qui disparaît aussi de la faune, la flore, tout ce qui est autour de nous. Puis c'est pas juste la faune et la flore, c'est vraiment genre juste vraiment les connexions avec l'espace, avec le vent, le changement de saison qui change de plus en plus. Toutes ces choses-là qui ont fait un grand impact sur notre vie, mais je pense qu'on est comme on est tellement déconnecté de ça quand on habite en ville. Fait que c'est refaire cette connexion-là que moi, je trouve qui est importante. La mairesse puis les gens ici parlent toujours. On veut plus d'espace vert, des affaires comme ça, mais il n'y a jamais vraiment d'actions radicales qui sont mises autour de ça. Non, les gens pensent que la connexion entre l'urbain puis l'extra-humain, c'est les fermes loufa puis les toits verts. Là. Exactement. Alors que je pense que qui est complètement lié au capitalisme, en fait, si on revient à ça. Ben oui. Où c'est sauver les abeilles puis on va se faire un petit toit. On va aussi, on a fait notre part puis c'est ça. Puis les gens pensent que les changements climatiques et tout ça, c'est nouveau, mais c'est quelque chose qu'on parle depuis toujours. Mais parlant de sauvons les abeilles, là, t'sais, dans un amour radical de la biodiversité, qu'est-ce que tu penses des analyses antispécistes à l'intersection du féministe qui sont souvent super blancs et coloniales? Comment tu différencies ta pratique à toi de ces cadres-là, puis juste comme « let it out », là, c'est le moment comme « let them have it », là. En fait, je pense que les pratiques féministes vraiment ancrées dans « fond et flore sauvant la planète », c'est en fait vraiment relié à eux-mêmes, en fait. Je trouve que c'est vraiment souvent une pratique très individualiste. Mm-hmm. Puis au fond, ils ne laissent pas vraiment la place à justement l'amour pour la biodiversité en tant que telle. Fait que c'est souvent pas la biodiversité qu'on décrit, mais en fait, notre relation à la biodiversité, alors qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment plus à penser ici. Je pense qu'il faut laisser la biodiversité parler pour soi-même. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements féministes verts qui sont juste, en fait, ramener ça à soi-même, tu sais. Moi, les antispécistes, c'est toujours un flag juste parce que c'est facile de parler au nom des animaux parce qu'ils vont pas talk back puis dire de fermer ta gueule. Ouais, mais c'est pas du humansplaining. Puis aussi, tu sais, je pense que aussi les gens, ils ont accès beaucoup à des informations aujourd'hui. Fait que, tu sais, les gens vont être comme il faut sauver les abeilles, il faut sauver les caribous, etc. Mais ils pensent pas non plus que énormément de gens autochtones ou de chasseurs, etc., vivent de ça. C'est ça, je m'en élève à Brigitte Bardot. C'est tout, exactement. le classique Brigitte Bardot, tout ça, c'est vraiment une violence coloniale incroyable. Ouais. Puis je pense que les gens mélangent tout ça ensemble, souvent. Puis en fait, ça revient à vraiment le féministe blanc, troisième vague d'inclusion, mais qui en fait zéro de l'inclusion, qui prend toute la place. Tu sais. Mais je peux aller loin là-dessus, mais... On est là pour ça. En tout cas, c'est ça. Fait que là, pour les gens qui nous écoutent et qui vivent dans le présent, contrairement à moi, Brigitte Bardot, elle a été bien connue pendant un bon bout parce qu'elle était don à la défense des phoques. Puis évidemment, il y a plein de communautés autochtones qui doivent chasser le phoque. Qui ont toujours chassé le fuck. Mais le truc, c'est que c'est evil et génial à la fois parce qu'elle a fait un gros stunt marketing parce que ces fucks-là sont super cute. Oh mon Dieu, elle est allée se pointer là-bas, donner de la merde au monde. Puis... Mais c'est vraiment ce que tu décris dans le truc. C'est juste notre relation comme la fondation. Missionnaire. Genre, c'est une calice de missionnaire. Exactement. Oui, mais les fucks, on les trouve cute, fait qu'on veut pas qu'ils meurent, mais on pense pas à comme. Qu'est-ce que ça englobe comme système où, genre, les pop. Sont cute. Comme c'est ça. Les vaches aussi. Nous autres, sont on peut cute. Se permettre d'empiler des vaches, des corons, des poulets, puis d'avoir comme des abattoirs. Mais sauver les phoques. Super. Exactement. Super polluants, mais genre les phoques qui sont dans un cycle où, genre, ces communautés-là savent combien il faut en tuer pour réguler un cycle normal. Oui, puis il y a des questions traditionnelles d'honorer aussi, tu sais. Puis il y a une connexion qui est importante, là, puis que les gens pensent même pas qu'il existe. Fait que. Je pense que c'est vraiment cette connexion-là qui est complètement perdue, puis c'est un non-respect des pratiques. Fait qu'en tout cas, Brigitte, si tu nous écoutes, slide in the DMs, on est prêt à fight. on est prêt à fight it out. Anytime. Fait que là, mine de rien, vous avez co-dirigé un recueil. Là. Pendant la pandémie, on s'est beaucoup amusé. Pendant la pandémie? Ouais. Et puis, on a commencé les Zooms avant. Ouais. Ah ouais, vous étiez pré-pandémique dans le Zoom, vous autres. Prophète d'un temps moderne. Oui, on savait que ça s'en venait. Fait que D'Horizon et d'Histoire, entre mémoire et création autochtone, paru en 2020, grande année, grand cru. Effectivement, très grand cru, ça se boit bien, ça goûte bon. Ouais. Je vous le suggère. Beurre et rond en bouche, c'est ça. Fait que le regret apporte des questions genre comme style quelle place occupent actuellement les créations visuelles autochtones dans la société québécoise, comment les créateurs créatrices imaginent-ils le futur de leurs expressions culturelles. Fait que of course c'est un recueil, fait que des points de vue multiples d'auteurs, mais tu sais, oui. Vous mettons, ce serait quoi les réponses à ces questions-là qui vous ont le plus marqué? Ouais, mais en fait ce livre-là c'est vraiment un recueil de, je pense qu'il y a à peu près 20 artistes, commissaires, travailleurs, travailleuses culturelles, des gens qui sont dans le milieu aînés, etc., qui ont participé à ça. Puis c'est un livre qui a amené des points de vue vraiment différents, autant d'artistes que de points de vue sur l'histoire coloniale québécoise en lien avec les arts visuels, qui n'est pas quelque chose qui est vraiment discuté ici. Mm-hmm. En tout cas, moi, je trouve que c'est un livre assez unique. 24,95 partout. Mais allez pas chez Renaud Bré, tu sais. Non. Encouragez votre librairie locale. Oui, allez à Légalion. Allô Légalion. Bonjour. Allô Légalion. Oui. Donc, leslibraires.ca, tout ça. Oui. Moi, un de mes coups de cœur, en fait, j'en ai plusieurs, mais un coup de cœur qu'on a fait, c'est une entrevue qu'on a juste republiée avec Rita Letendre et Caroline Monnet. Donc, Rita Letendre qui est décédée il n'y a vraiment pas longtemps, en fait. Donc, on salue Rita Letendre, une grande peintre abénaquise, aînée très importante ici, qui est en fait vraiment une idole, mentor pour Caroline Monnet, qui est une artiste multidisciplinaire anishinabé. Puis vraiment, leur conversation est vraiment ancrée sur les relations... vraiment de différentes générations, le mentorat, etc. Puis ça, c'était vraiment une conversation vraiment belle que moi, j'ai beaucoup aimée. Mais sinon, il y a un autre texte que Léolie, tu peux peut-être... Oui, mais surtout aussi, je voulais dire que c'est autour des prises des positions, mm-hmm. puisque Rita Letendre a fait partie des automatistes. Oui. Donc, une figure de poids autochtone à cette époque-là, assez rarissime. Mm-hmm. Aussi, il y a un essai vraiment éblouissant de France Trépanier et de Mylène Gay autour des enjeux structurels. Et donc, on ne va pas juste parler, évoquer les oppressions, les systèmes d'oppression, mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici, durant les 20-15 dernières années, et qu'est-ce qu'on imagine comme futur dans les 2 à 5 ans, là. Donc, c'est vraiment quelque part une feuille de route. Oui. Comment en fait, c'est vraiment comment le système des arts visuels québécois a été créé, puis comment en fait il a vraiment rejeté et mis de côté le milieu des arts visuels autochtones pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, ça crée vraiment des disparités. Puis ça fait qu'aujourd'hui, on encense quelques artistes autochtones qui vivent dans les grands centres, mais comment tout ce qu'on appelle la région, les régions, la est région. Complètement mis de côté. Puis comment il y a vraiment des structures coloniales qui ont été mises vraiment de l'avant ici au Québec, dans le milieu des arts, qui est encore aujourd'hui vraiment, c'est le point de départ de tout. Donc, elles refont un historique de ça, puis elles donnent aussi des points d'action, pas de solution, mais d'action. Moi, je trouve ça plus important que le mot solution. Puis ça, je pense que c'est aussi vraiment un texte très éclairant, très important. Ouais, solution, c'est pas mon mot préféré. Je le dis quasiment à chaque épisode, mais il n'y aura pas un jour. Il y a pas un jour où l'humanité au complet va s'asseoir en rond en chantant des belles chansons de paix et d'amour. Là. Il va toujours avoir un problème à régler, la gang. Exact. I'm very sorry. C'est ça. Voilà. Le soleil de ce monde rêve une éternité. Jusqu'à temps que le soleil grossisse un petit peu, que les océans s'évaporent et que l'humanité disparaisse. S'il suffisait d'aimer. Finalement, j'aimais mieux les effets. Justement, c'est juste qu'on est, on est obligé d'être responsable. On n'a pas droit à genre, tout juste dire que, OK, voilà, on est foutu. Ben non. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est là où c'est la question que je pose à n'importe quel artiste engagé. C'est ma question number one. Y a-tu des moments où vous vous dites, moi, j'aimerais juste ça, justement, écrire des chansons de paix et d'amour. Es-tu obligé d'être un activiste, une activiste, un activiste? On peut-tu partir un podcast sur Drag Race puis être léger? Ça, c'est aussi structurel, à fond. Ouais. Je sais pas, honnêtement, je pense que oui. Moi, je pense qu'on peut être les deux. Comme Léolie le disait, on est multiples dans nos identités. Moi, j'aime bien ça, autant faire réfléchir à mes œuvres que de, puis de mes, tu sais, de, je sais pas, faire mes projets de commissariat super sérieusement, mais ça m'empêche pas d'avoir, de faire le party avec mes amis avec qui je fais des projets, puis je pense qu'on peut être, on a besoin de légèreté, ouais, parce que je pense que sinon c'est vraiment vraiment difficile, c'est vraiment trop lourd, puis je pense que c'est l'idée de trouver comme une balance entre les deux. Est-ce que je l'ai trouvé? Non, pas du tout, mais mais je pense que ça c'est important de, ouais, de se rappeler de ça. Fait que je pense pas que c'est un oui ou un, c'est noir et blanc, c'est vraiment comme un mix de tout ça ensemble. Moi, j'ai l'impression que souvent, toutes les conversations qu'on a, surtout dans les espèces de chambres d'écho des médias sociaux et tout, on est tout le temps dans l'espèce de tension de genre, est-ce qu'il faut être super critique ou est-ce qu'il faut laisser les gens profiter des choses? Puis tu sais, comme chaque... Puis là, pour vrai, c'est la première fois où je vais le dire de manière sincère, pas cynique, mais pour vrai, la vérité se trouve quelque part dans le milieu. Genre, je pense pas... Le pire, c'est qu'on est deux bons exemples. Moi, je suis tout le temps la gauche austère. Toi, t'es tout le temps là, on peut-tu vivre si vous boire... Si, moi, je suis tout le temps là, on peut-tu vivre, là. Moi, là... Puis pour moi, c'est comme... Est-ce que mes ancêtres ont souffert toutes ces générations pour que moi aussi, je souffre? Ouais, c'est ça. Ben non, je suis bon vivant, quand même. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, je pense que l'humour aussi, là, c'est vraiment quelque chose qui nous sauve. Puis je pense que ce podcast-là, c'est un exemple de ça aussi. Tu sais, vous parlez de vraiment gros sujets tout le temps, mais vous en parlez d'une façon humoristique et cynique qui fait du bien aussi, tu sais. Je pense que les deux se peuvent. Puis c'est se donner les moyens d'en parler aussi, parce que si tu n'as jamais de comme stress relief de pouvoir en rire un peu... ça devient bien trop pesant. Là. Tu peux pas toujours être dans la viscéralité de voir ce qui va pas bien dans le monde, parce qu'il y en a en masse là, du stock. Là. Si vous voulez qu'on soit viscéral puis lourd, on va en trouver des opportunités. Là. Ouais. Elle manque pas. Là. On est à 2-3 clics de bien des affaires décollissantes. C'est ça. Je pense qu'il faut ramener ça au plaisir aussi. On a tous droit à avoir du plaisir dans la vie ou toutes sortes de plaisirs. Puis je pense que entre ça puis faire des projets où est-ce qu'on devient super sérieux, je pense que il y a un entre-deux à trouver aussi là. J'en reviens un peu à ta démarche dans le début du segment, puis moi c'est quelque chose qui est revenu souvent quand je faisais mes recherches, le mot campagne poème. Ben en fait c'est la première fois que j'entends ça. Pour vrai? Ah moi je l'ai. Pour moi, d'après moi il y a quelqu'un à l'UQAM qui a commencé à coiner le terme. C'est quand j'ai demandé de parler de ta pratique, mais j'adore ça. Attends, moi j'étais comme Chris, je l'ai vu où d'abord, il y a juste Léo qui tape sur le chest. Non mais je veux dire, j'ai fait des recherches aussi. On est obligé d'historiciser nos propres projets. Mais t'as raison, ouais. Mais c'est bien, je suis contente d'entendre ça, parce qu'en fait j'ai jamais été capable de trouver un terme à ça, fait que t'en as trouvé un pour moi. Les arts sensibles, les campagnes, le petit lexique de l'art moderne. Bon, si vous êtes des artistes qui avaient de la misère à parler de votre pratique, venez-vous en deux fifs le matin, on va vous régler ça. On est là pour vous. On va brainstorm on the mic, tout le monde ensemble, imagine. Imagine si tous les artistes qui avaient de la misère à parler de leur pratique de la venir ici de tabarnak, écrivez-nous pas. Ben d'abord, comment tu réponds à ce terme-là? Est-ce que tu penses que ça décrit ce que tu fais? Et si oui, comment? Ben oui, je pense que ça décrit qu'est-ce que je fais. C'est vraiment quelque chose que... Ouais, je pense que Léolie t'a trouvé la solution. Mais oui, je pense que ça répond dans le sens que... Oui, j'écris une façon poétique des réflexions, en fait. Ouais. Fait que je pense que ça décrit parfaitement ce que je fais. Free drag name, campagne poème. voilà. That's it. But then again, on sort du cadre normal du texte universitaire ou du pamphlet ou pour aller dans. Ça m'intéresse zéro, ça. Moi, j'essaie de vraiment. Je suis quelqu'un pour qui l'accessibilité de l'art est quelque chose de très important. Je dis pas qu'il y a une place pour tout. Il y a une place pour l'académie, puis des textes universitaires, puis des complexités là-dedans. Mais moi, en étant quelqu'un qui aime faire des choses dans l'espace public, j'essaie de trouver une certaine accessibilité qui, je pense, est importante. Puis c'est ça qui m'intéresse de toute façon. Puis après ça, je pense que les gens peuvent percevoir ce que j'écris de la façon qu'ils veulent. Puis j'aime l'idée que ça soit ouvert aussi. Ouais. Excellent. Excellent. Fait qu'on va aller inventer d'autres termes pour décrire l'art moderne en allant boire un dernier petit café. Puis on vous revient avec nos meilleures créations. Ah ouais? Je ne vous donne pas de challenge, pantoute. Et c'était tout pour cet excellent épisode de cette semaine. Yes, Asti! Wow. Merci, Léoli, merci Camille. Merci à vous autres. Est-ce que vous avez des affaires que vous voudriez plugger? Toujours. Yes. Oui, moi j'ai une exposition que j'ai commissariée de trois artistes qui ouvre le 12 novembre. Venez pour le vernissage à DRAC, qui est le centre d'art actuel de Drummondville. Donc j'espère Let's go, Drummond. Vous y voir. Let's go Drummond. Je suis jamais allée, fait que je pense que c'est un beau road trip. Donc voilà, ça c'est ma petite plug. Oh yes. Puis moi je suis artiste dans l'exposition Au fil des îles Archipel, commissariée par Annalise Hernandez Alvarez et Raquel Cruz Crespo au centre d'exposition de l'Université de Montréal jusqu'au 19 novembre. On peut bien sûr voir tes créations à Tokyo. Presque. Close enough. Et évidemment, on l'a mentionné, mais je veux dire, le titre de l'épisode, c'est le titre du livre. That's Donc, it. On va plugger le livre, Destituaire et d'Horizon. Va être 23,99, on me souffle la règle. 25,95, mais... L'inflation. Ça pas. L'inflation, là. Le coût de la vie augmente tout le temps, l'argent vaut pas ce que ça valait. Chance. Je suis en train de me transformer en François Lambert. Arrêtez-moi tout le monde. Vous pouvez nous suivre. Où ça? Tous les réseaux sociaux qui ont... Non, c'est pas vrai. On va arrêter de dire ça. Ça, c'est fini. On est sur Instagram, tout le monde. Pour vrai, suivez pas la page Facebook, il se passe à rien, calice. Non. Non, mais là, les plus de 35 ans, là, je veux dire, arrivés en ville, là, vous pouvez pas passer votre tête dans la chambre. La majorité de notre public. Fâche les pas, si on a les Français sur notre dos à l'ombre. Arrêtez de montrer vos bébés puis vos Renault, calice, puis embarquez sur Instagram. Là. Donc, vous êtes pas sur BeReal? Moi, j'ai tout l'air de quelqu'un qui est real dans la vie. I'm fake as fuck, bitch. Papa Divo est sur Be Real. I don't care. I stay fake on Instagram, but Be Real pour moi. Oh my god. Suivez-nous sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram. Écrivez-nous. 2, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I, parce qu'on va pas se faire chier dedans par la police des mœurs. Le matin, tout en un mot. Vous pouvez aussi nous donner des bidous sur de l'argent. Patreon. De l'argent. Cash, hard money. Parce que nous autres, si on fait ça, c'est seulement pour l'appât du gain. Oui. On se vautre déjà dans le luxe. Oui. Mais on en veut toujours plus. Oui. On est greedy. Oui. On veut bâtir un empire, être légion. On a un sextape qui sort bientôt pour comme être au niveau de genre Kim Kardashian, Paris Hilton. mais en attendant, nous sommes là pour sucer vos finances. Voilà. Alors, garochez-nous de l'argent. Ouais. Le plus possible. That's it. Voilà. Ciao, Paul. Si vous nous rencontrez, vous pouvez nous tipper aussi. Ouais. Voilà, comme une tout. Drag queen. Oui. Vous faites juste tendre le 5$ puis on va venir le chercher. C'est ça, j'allais dire, par exemple. C'est une quête silencieuse. Moi, je veux pas de monnaie. 5$ en montant. Oh. Voilà. Parfait. Moi, si ça fait bling bling, j'en veux pas. Parfait. Merci. Salut. C'est tout. Bye. Bye.